Chris and this guy. Si la guerre n'est pas encore déclarée, on la déclarera. Et même si pour ça on doit crever, on s'en fout, on crèvera. Si la guerre n'est pas encore déclarée, on la déclarera. Et même si pour ça on doit crever, on s'en fout, on crèvera. Si la guerre n'est pas encore déclarée, on la déclarera. Et même si pour ça on doit crever, on s'en fout, on crèvera. Si la guerre n'est pas encore déclarée, on la déclarera. Et même si pour ça on doit crever, on s'en fout, on crèvera. Alors que les jeunes s'agrippent en grattant, tentent de grimper, grappillent du terrain, on enterre les bonnes paroles, chez parade, c'est pour elle. Putain qu'on snap, c'est qui ce type, faut qu'on le stop, stick au bec, ça braque. Ok, dans leur tête ça craque, trop pense nous escroquer, à croire qu'ils sont tous croqués, c'est con, on sort les croquants, certains veulent nous troquer, c'est trop grand. Je crois que ça tisse trop, alors qu'on mise gros, tu devrais le savoir, c'est le bistrot. Surtout pour ceux qui se disent trop hardcore au chromie, dans le chrono on sort le chromé, comme promis les promus. Choc à chaque apparition, sûr que c'est par ici que ça se passe, les surparitions. Laisse paraisser, ancien ou pas, on est conscient que sergent, un doldou crève-le. Et même si ça devient grave, tu sais que c'était gravé, donc faut que ça crève un coup de glaive. On serre la main, mais sur le moment, on agit trop vite. Les rageux enragés, les plus âgés veulent qu'on trouve vite, on trouve vite. Surtout quand on crise, on crise. On écrase les peu de gars qui crisent. Et en cul, on fraise, on phrase, on pèse. La peur des gens nous prive, même quand c'est privé, primo. Sans promo, on prime. On est les premiers à commettre des crimes. Promis, des mains bien si autour de nous, c'est cramé. On craint les cris graves, les M6 crèvent. Gravement, c'est grillé. Et si on craille, ici, on se gonfle, on se crête, c'est d'ail. Degré, on grimpera, on te lâchera pas la grave. Mon grand on grandit, ouais. Malgré un grand en gros, on regrette de voir gris. On est dans le sang, mais crierons, on crarie, on grignit, on crée un crayon. Si la guerre n'est pas encore déclarée, on la déclarera. Et même si pour ça on doit crever, on s'en fout, on crèvera. Si la guerre n'est pas encore déclarée, on la déclarera. Et même si pour ça on doit crever, on s'en fout, on crèvera. Si la guerre n'est pas encore déclarée, on la déclarera. Et même si pour ça on doit crever, on s'en fout, on crèvera. Si la guerre n'est pas encore déclarée, on la déclarera. Et même si pour ça on doit crever, on s'en fout, on crèvera. Des mal, il faut offrir, et foi, et fou son franc, vrai, et frais franc. On est fou, la foi à fond. Là, ou alors ça fait franc, le poids jamais il s'est franc. Enfin, du front ouvert et on le voit. Les envies ont vu, on le voit. On vit, on restera. Peut-être des restaurations. Si on rit, on gros, on se grille, on perd un grain, un gramme. Donc on baille, on gros et grave. Pas de grève, même si on crève, on crouve. Ah bien qu'un jour il faudra prouver. Donc on se retrouve. Ça se dit plus en plus qu'on est en plus. Retirer une piste, on n'a pas besoin de piste. Et souvent on se passe en plus. Tout piste, on fait que passer une fois dans la place. Gars, on se placera comme les passera. Repenti, gars, ça cassera. Pour tout mais rien à voir, c'est trop dur. Et dire que le peu qu'on trouve, certains font tout pour t'en priver, c'est ce qui t'endurcit. Faut pas que ça durcit, prouve que t'es indurci. Par malheur tu t'endorsais, par la mort que tu seras bercé. Pour percer on persiste, mais si on perçait une bataille, pas la guerre. De toute façon ça se précise, j'espère être précis. Après ça, apprécie auprès de ceux qui s'avèrent être précieux pour nous. Pour eux on répond présent, pour le reste y'a trop d'escrocs. Quand l'argent tourne autour des gens, tout devient dangereux dans mes rangées. Pour faire face au danger, quand je sens qu'on veut que je me range, prêt pour l'affrontement, sache qu'on fera tout pour déranger. Si la guerre n'est pas encore déclarée, on la déclarera. Et même si pour ça on doit crever, on s'en fout, on crèvera. Si la guerre n'est pas encore déclarée, on la déclarera. Et même si pour ça on doit crever, on s'en fout, on crèvera. Si la guerre n'est pas encore déclarée, on la déclarera. Et même si pour ça on doit crever, on s'en fout, on crèvera. Si la guerre n'est pas encore déclarée, on la déclarera. Et même si pour ça on doit crever, on s'en fout, on crèvera.